cette signalisation interdit l'accès à tous les véhicules à moteur, voitures, motos, cyclos et camions. Il n'y a pas besoin de les dessiner dans le panneau. Cela implique que seuls peuvent passer les cyclistes, les charrettes et bien sûr les piétons. Si je veux me reposer ici, je gare ma voiture ailleurs et je vais à pied chercher un endroit au calme. Réponse B.